Bonsoir tout le monde. Nous devons clarifier la dernière partie du message 8. La sorte de côté l'intérêt économique et reçoit les poumons de la planète, sur la terre comme dans les mers. Ne vérifions pas seulement notre manque de bagages, non seulement académiques, mais aussi culturels. À travers de la Russie, son avantage sur notre planète. Il s'agit de la sensibiliser, de prendre des mesures pour régénérer les castes polaires et les forêts, la jungle, l'Amazonie et au fil du temps, redistribuer les centres de population, en particulier les mégapoles. Penser l'avenir, nous sommes à temps pour régénérer l'écosystème terrestre et maritime. Nous sommes à lieu de semer pour que les générations qui viennent cousent et ressemer. Merci beaucoup.